Un podcast Studio Dilettante. Les chroniques de l'inframonde. On a décidé de monter une maison d'édition indépendante. Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire. Donc science-fiction, fantasy et fantastique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les chroniques de l'inframonde, le podcast où Corentin, c'est moi, et ma collègue Fanny, c'est moi, partageons avec vous notre expérience de jeunes éditeurs. Salut Fanny. Bonjour. Avant toute chose, on souhaitait vous remercier en fait pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast. On est agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui s'intéressent aux coulisses des maisons d'édition et à celles de l'inframonde en particulier. Et ça nous motive vraiment à bosser pour vous proposer un contenu de qualité tant dans le cadre du podcast que pour les bouquins à venir. Ouais, merci beaucoup, hein, c'est très très chouette. Merci pour vos retours, donc continuez à nous envoyer des petits commentaires s'il vous plaît. Pour l'épisode du jour, on a choisi d'aborder un thème qui nous a occupé l'esprit pendant pas mal de temps avec Fanny, et qui en fait l'occupe encore actuellement, c'est celui de la recherche de manuscrits, puisque concrètement pour éditer des livres, il faut des livres, et on va pas les écrire nous-mêmes, c'est pas notre boulot. Du coup, on a, dans le milieu éditorial, il y a tout un tas de méthodes qui sont utilisées pour aller chercher ou se voir envoyer des ouvrages qui correspondent potentiellement au projet de la maison d'édition. Donc le premier, c'est celui de l'appel à texte. C'est ça. Sachant que là, je pense qu'il y a pas mal de différences quand même entre les essais et la fiction. Hein. On a par exemple des maisons d'édition, quand elles se lancent, elles vont se lancer en publiant un appel à texte. Donc elles ont fait comme nous, c'est-à-dire défini une ligne éditoriale et avec cette base de ligne éditoriale, mis un appel à texte sur les réseaux sociaux, sur les réseaux spécialisés selon leur thématique, en appelant les auteurs et les autrices à proposer des textes qui sont raccord avec cette ligne éditoriale. Généralement, pour les soumissions, c'est les premiers chapitres qui sont envoyés, un synopsis, un pitch clair. Et ça, c'est un élément sur lequel il faut vraiment bien travailler, puisque le premier coup d'œil sur ce petit paragraphe peut déterminer en fait l'état d'esprit avec lequel on va aborder la suite du manuscrit. Et donc Et pour les essais, on a moins rencontré d'appels à texte avec Corentin quand on a un peu fait nos petites recherches sur comment on trouvait des manuscrits. On a plus trouvé des appels à projets dans des milieux universitaires autour de travaux qui mutualisaient le travail de chercheurs et de chercheuses. Ensuite, les autres techniques pour trouver des manuscrits, c'est aller chercher les gens qu'on connaît, en fait. Donc pas forcément qu'on connaît personnellement, mais dont on apprécie le travail et avec qui on a envie de travailler également, qu'on peut contacter pour dire nous on se lance, on fait ça. Est-ce que vous avez pas un projet qui serait raccord, ça serait bien. J'ai l'impression que c'est une technique qui est pas mal utilisée par les jeunes éditeurs d'ailleurs. Généralement, ils ont un petit pied dans le milieu, ils ont rencontré peut-être quelques auteurs ou des gens qui avaient des projets, ou ils ont un pote pour certains qui a un projet de publication et ils vont se reposer sur ses premiers manuscrits avant de se lancer dans l'inconnu. C'est ça. Après, dans les milieux, on va dire plus cadrés, plus institutionnels entre guillemets, il y a le rôle d'agent littéraire qui va défendre, en tout cas, accompagner des projets avec des auteurs et des autrices dont il va porter les travaux auprès des éditeurs et des éditrices. Et certains agents littéraires aussi vont faire cette veille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont regarder via les blogs, via tout un tas de choses, parce que maintenant avec Internet, on a accès à beaucoup plus de choses et les gens vont publier beaucoup plus de choses sur des blogs, même des plateformes d'auto-édition aussi. Voilà, hein. Merci. Et ce travail de veille, en fait, donc c'est une petite partie du travail des agents littéraires, mais c'est aussi un travail que peut être amené à faire les éditeurs et les éditrices, en fait, pour repérer des textes qui les intéressent, aller chercher, faire de la veille, tout simplement, dans leur zone de spécialité. Pour les essais, on peut aussi suivre l'actualité scientifique, par exemple des domaines qu'on souhaite voir publiés. En fait, il y a des revues scientifiques qui font des reviews de ce qui a été publié, mais qui vont aussi partager les travaux en cours. Donc, c'est aussi une source de manuscrits potentiels. Et l'autre point, je me dis, c'est qu'on est ouvert aussi à la traduction. quand on est ouvert à la traduction ou qu'on souhaite porter des, on peut aussi souhaiter porter des projets de traduction pour diffuser d'autres aires culturelles, pour élargir les points de vue. Et ben là, il faut faire soi-même une veille spécialisée sur les différentes langues qu'on maîtrise, voire travailler là avec des agences littéraires spécialisées sur les autres aires culturelles de manière à ce qu'elles travaillent sur cette veille, puisque moi, personnellement, je suis pas capable de faire une veille en russe ou en chinois, par exemple. En gros, dès que tu veux faire de la traduction, ça va réduire vachement tes options, puisque t'es plus dans la réception de texte, mais t'es forcément dans la recherche proactive, et donc c'est soit toi, soit quelqu'un d'autre qui va faire le boulot, et ça c'est souvent le boulot des agences littéraires. Et du coup, comme on parle de réception, je vais pouvoir passer à ça. La réception, c'est un sujet qui est omniprésent, la réception des manuscrits. C'est un sujet qui est donc omniprésent dans la vie d'une maison d'édition de fiction dans l'imaginaire. J'imagine des autres maisons d'édition aussi, mais je connais moins bien. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter de deux points de vue différents, puisque j'ai commencé par travailler dans une petite maison d'édition qui recevait différents types d'ouvrages. Donc déjà, c'était pas que de la fiction, et même quand ça l'était, il y en avait pas beaucoup, à l'époque en tout cas. Et ça donnait l'occasion de relire et de travailler un peu plus en profondeur sur ces manuscrits-là. Mais dans le deuxième stage que j'ai fait, qui est quand même plus symptomatique de l'imaginaire, je pense, il y avait plusieurs milliers de manuscrits qui étaient envoyés par an. On était donc sur plusieurs à la journée dans une maison d'édition qui avait pas évidemment quelqu'un à plein temps pour checker la boîte mail tous les jours. Et là, la sélection, elle fonctionnait d'une façon un peu rude mais nécessaire. C'était qu'en gros, moi, stagiaire, voilà les instructions qu'on m'avait données. Je commençais par lire la première page d'un manuscrit après avoir lu le synopsis. Et si j'étais pas convaincu au bout de cette première page, je passais au manuscrit suivant. Et à ce moment-là, je lisais jusqu'à ce que soit j'en ai marre et je passe au suivant, soit jusqu'à ce que j'ai fini les 50 premières pages, qui étaient la quantité qui était demandée à l'envoi. Et si là, ça m'avait plu, on pouvait contacter la personne pour qu'elle envoie son manuscrit en entier. Et une fois le manuscrit en entier reçu, il y a toujours rien de garanti, il va falloir le lire intégralement, voir si il est satisfaisant, et bah, si c'est pas le cas, il sera pas renouvelé. La boîte mail en question, elle était relevée quotidiennement et malgré tout, il restait des messages d'un an en arrière. Donc ça explique aussi le temps de réponse que peuvent avoir certaines maisons d'édition vis-à-vis des manuscrits. Hein, c'est qu'il y a vraiment une quantité colossale. Et c'est pas la source principale de publication. Généralement, on publie des suites, des auteurs qu'on connaît, des projets sur lesquels on a travaillé de longue date parce que c'était une volonté de la maison d'édition. Et ensuite, on publie des trucs qu'on a découverts. Donc, ça explique aussi ce vivier très important, quoi. Et sur ce sujet-là, nous, c'est pas le propos de notre podcast, mais il y a un très très chouette podcast qui existe sur l'écriture et qui est plus à destination des auteurs et des autrices, qui s'appelle Procrastination. Donc, un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Et il y a un épisode sur la sélection de manuscrits sur la soumission, pardon. Sur soumettre un manuscrit que j'avais trouvé passionnant à l'époque, qui date d'il y a quelques années, mais qui est toujours pertinent. Et j'ai vu que là, lors de la saison 5, que je n'ai pas encore écoutée, je suis en retard, ils ont sorti aussi un épisode sur la sélection des manuscrits avec Mireille Rivalan, des éditions Atalante, qui précise un peu plus cette thématique-là. Et on passe à l'interview, du coup ? Ouais, très bien. Et donc, pour cet épisode, on a été interrogé Roland Lehoucq. Donc, Roland Lehoucq, il est astrophysicien, enseignant, auteur, président du Festival des Utopiales. Et aujourd'hui, c'est avec sa casquette de directeur de collection qu'on a été le voir, puisque c'est un peu le sujet de notre podcast quand même. Et donc, il est directeur de la collection d'essais de la maison d'édition de Le Bélial. Dans son travail, il a expérimenté plusieurs manières de trouver des manuscrits, et on va pouvoir l'écouter. Bonjour Roland, merci d'avoir accepté cette rencontre. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la collection Parallax ? Alors, Parallax, c'est une collection de vulgarisation scientifique un peu particulière. D'abord parce qu'elle est dans une maison d'édition qui fait de la science-fiction. Et elle est particulière parce qu'elle utilise la science-fiction comme prétexte pour parler de science. En fait, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe dans les mondes de fiction, qui sont toujours des choses chatoyantes, des choses attirantes, des choses étonnantes, et puis qui ont une large audience, enfin, en littérature moins qu'au cinéma, mais qui quand même, la science-fiction maintenant est un genre assis, et d'utiliser ce que l'on y voit comme prétexte pour parler de science, et non pas évidemment dans un but de critiquer ce que l'on voit. L'idée qui est derrière ça n'est pas une sorte de censure ou de critique scientifique de ce que l'on voit dans ces œuvres, mais plutôt vraiment de s'en servir comme prétexte pour discuter d'abord évidemment de l'état réel des connaissances dans le domaine incriminé, mais aussi d'évoquer tous ces points que la science-fiction met en scène et les évoquer de façon plaisante. Évidemment, l'idée, c'est d'être plaisant, amusant, décontracté. Et bien sûr, quand j'ai dit science, moi qui suis physicien, je pense évidemment bien volontiers aux sciences naturelles, disons, la physique, la chimie, la biologie. Mais il y a aussi, évidemment, les sciences humaines, puisque dans la science-fiction, on retrouve aussi beaucoup de problématiques techniques ou de questions techniques, scientifiques, qui ont des conséquences sur les humains. Et du coup, cette collection, comment est-elle née ? Alors, cette collection, elle est née en fait d'une collaboration que j'entretiens avec les éditions du Bélial depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, parce que les éditions du Bélial éditent une revue de science-fiction qui s'appelle Bifrost. Et dans cette revue, il y a une vingtaine d'années justement, j'ai créé la rubrique science-fiction. Alors, ça a été créé de manière tout à fait amusante. Il y a beaucoup eu de hasard d'affection et d'affect, hein, d'émotion dans toute cette aventure. Il y a 20 ans, Olivier Girard, qui a fondé les éditions Le Bélial et la revue Bifrost, bon, ben, je lui téléphone, j'ai 20 ans de moins, donc je suis toujours un boomer, mais pas au même niveau. Et je dis à Olivier, ça ne te dirait pas, je ne le connais pas, hein, je lui décroche mon téléphone, ça ne te dirait pas que je parle de science et de science-fiction. Moi, j'étais déjà en train de travailler ma plume, si j'ose dire, pour être auteur de vulgarisation scientifique et que j'adorais la science-fiction, d'utiliser la science-fiction pour parler de science, justement. Et donc, c'est comme ça qu'est née la rubrique science-fiction. Olivier Girard dit banco, on a fait ça, la rubrique a tenu une vingtaine d'années. Alors, cette rubrique science-fiction, au fil des ans, il y a 4 numéros par an, 4 rubriques par an, donc au fil des années, ça finit par faire des textes. J'en ai publié sous forme de recueil de ces textes de science-fiction. Ils ont été publiés deux fois, des recueils ont été publiés aux éditions Le Pommier, une petite maison d'édition, enfin une grosse maison d'édition aussi, qui maintenant a été reprise par Belin, qui a été repris par UMN6. Et j'ai publié ces textes chez Le Pommier parce qu'il n'y avait pas de raison que Le Bélial, qui est un éditeur de romans et de revues, édite des livres de science. C'était pas, ça se sentait pas, disons. Et puis, il y a eu un des textes que j'ai publié, Faire des sciences avec Star Wars, que j'ai publié aussi aux éditions Le Pommier. Puis ensuite, on a décidé, quand il est mort, entre guillemets, en termes éditorial aux éditions Le Pommier, on l'a récupéré. Et puis on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger cette expérience par une collection ? Et puis on a sauté le pas, vraiment, je pense, avec le succès, le deuxième succès de Faire des sciences avec Star Wars au Bélial, qui finalement a permis de se dire, il y a un public pour ça auprès du Bélial. Le public du Bélial, c'est plutôt un lectorat de romans de science-fiction, mais les lecteurs de science-fiction sont aussi des esprits curieux. Les lectrices sont aussi des esprits curieux de tout, et un peu de science, et même parfois beaucoup de science. Et donc, du coup, il semble que ça ait fonctionné. De se dire, on va utiliser ou retisser le lien initial qu'il y avait finalement entre vulgarisation et science-fiction, parce que quand on y réfléchit bien, la science-fiction initiale, qui ne s'appelait pas science-fiction, c'est une science-fiction qui cherche aussi à diffuser les connaissances, à montrer les connaissances, à montrer le monde à travers le prisme des sciences ou des techniques, et qui vient d'auteurs qui ont été fascinés par le progrès scientifique et technique, hein, que ce soit bien sûr Jules Verne, mais que ce soit aussi Poe, Wells ou René Aîné. Et donc voilà, c'est finalement, vous voyez, il y a eu ce glissement entre je suis chroniqueur, on va dire, dans Bifrost, ces chroniques sont suffisamment nombreuses et appréciées pour en faire des recueils, et puis il y a eu l'idée aussi que dans science-fiction, ça a été pour moi l'occasion de faire collaborer à cette rubrique, dont je suis a priori la plume officielle, si j'ose dire, mais ça a toujours été un grand plaisir d'essayer d'atterrir dans cette rubrique des thèmes pour lesquels j'étais peu familier, de la linguistique, de la biologie, de la chimie, etc., ou même des sciences politiques, ou même des questions d'urbanisme, en attirant des universitaires que je pouvais connaître, que j'ai pu croiser à l'occasion de conférences, par exemple, ou à l'occasion du Festival des Utopiales, en leur disant tu ne veux pas signer avec moi ou signer tout seul un article sur tel ou tel sujet que moi, je ne maîtrise pas et qui me demanderait un temps considérable à écrire. Et du coup, il y a eu petit à petit agrégation d'auteurs et d'autrices, même une fois une autrice, de, disons, des scientifiques qui ont accepté de collaborer à Scientifiction pour lesquels je leur laissais la place entièrement ou je collaborais avec eux pour l'écriture du texte. Et donc, il y a eu tout de suite une liste d'auteurs et de thèmes qui ont fait sens. Il y avait évidemment assez naturellement des ouvrages de Luke. Enfin, j'ai collaboré, j'ai écrit, j'ai mis la main à la plume pour un, deux ouvrages dans Parallax, mais il y en a énormément d'autres. Enfin, tous les autres sont d'autres auteurs. Donc voilà, un peu comme elle est née. Vous voyez, c'est une aventure de 20 ans qui a mis du temps à mûrir, mais voilà, pour l'instant, elle est là, on est content et on essaie de la faire vivre. On essaie de sortir à peu près deux ouvrages par an. Du coup, c'est quelque chose que vous avez déjà rapidement évoqué, le fait qu'il y avait déjà un pool d'auteurs dont vous aviez le contact, dont vous saviez qu'ils étaient intéressés par ce genre de choses. La question, c'est, une fois que c'était fait, comment vous avez fait naître des projets concrets de livres ? Est-ce que vous êtes allé les démarcher ? Est-ce que vous avez d'autres gens maintenant qui vous envoient des manuscrits ? Aujourd'hui, dans Parallax, comment ils apparaissent, les projets d'ouvrage ? Alors, il y avait d'abord l'envie, j'ai une sorte d'ambition personnelle, il faut reconnaître, de se dire, c'était aussi l'idée d'élargir considérablement le spectre de mon action individuelle. C'est-à-dire, mon action individuelle, essentiellement, c'est sur la physique, utiliser la science-fiction pour parler, disons, de la physique en général, et éventuellement un petit peu de sciences connexes, que peuvent être la chimie ou la biologie, pour les choses que j'en comprends. Et j'avais envie d'élargir considérablement. Donc, j'avais déjà, moi, mon idée des thèmes et des auteurs que je pouvais, ou des autrices que je pouvais inviter dans Parallax. Le premier de la collection Parallax, c'était une collaboration avec Jean-Sébastien Steyer, puisque Jean-Sébastien Seyer est un biologiste, paléontologue plus exactement, et on s'est croisés il y a une petite dizaine d'années. C'était, comme on dit en anglais, love at first sight. Enfin, on a tout de suite trouvé ensemble une collaboration étroite pour parler de science et de fiction simultanément, lui étant plus aguerriquement en biologie. Et on a, un certain nombre de fois, travaillé ensemble pour Scientifiction, donc pour la chronique Scientifiction. On a travaillé un certain nombre de fois ensemble pour analyser des œuvres cinématographiques. Est né de cette collaboration le premier ouvrage même de la collection Parallax, qui est La science fait son cinéma. Le second titre, c'était un livre d'un linguiste, de Frédéric Landragin, qui est Comment parler à un alien. Voilà, exactement. Comment parler à un alien. Alors là, l'idée, elle était un peu différente. C'est que Frédéric Landragin, pareil, lui, je l'ai croisé dans des conférences. Il est venu me voir, on a discuté. C'est un linguiste qui travaille dans le traitement automatique des langues, donc qui vient du côté, on va dire, du côté de l'informatique, mais ça reste un linguiste qui a une formation très solide en linguistique, en plus de l'informatique. Et puis, je lui ai proposé de travailler, pareil, pour le tester, entre guillemets, enfin, pour voir, parce que c'était des sujets passionnants aussi, et puis qu'il avait l'air d'en savoir, et pas qu'un peu, en science, évidemment, enfin, dans la linguistique, évidemment, mais en science-fiction aussi. Alors, on a aussi coécrit des textes dans Scientifiction, qui a servi un peu de bac à sable, finalement. Et puis je lui ai proposé, je lui ai dit, ben, ça ne te dirait pas de me faire carrément un bouquin dans Parallax pour le lancement sur tu croises un alien. Mon pitch était, tu croises un alien, comment tu te débrouilles. Donc j'avais des idées de thèmes, et puis j'ai trouvé les auteurs, mais les auteurs, ils étaient déjà un peu dans le pool qui avait un peu travaillé avec moi, que j'avais sollicité déjà dans Scientifiction. Et puis il y a eu des occasions, il y a deux occasions où ce sont des gens... l'un que je connaissais qui a proposé, parce qu'il a vu la collection, les gens ont vu la collection Parallax se produire, ils ont dit « c'est génial, c'est exactement ça que j'ai envie de faire ». Mais dans des disciplines que moi, j'aurais pu imaginer bien sûr, mais je n'aurais pas forcément eu l'idée de l'auteur ou de l'autrice. Et donc là, il y a un qui va bientôt sortir là dans ce premier semestre de Yannick Rumpala, qui est maître de conférence en sciences politiques à Nice, à l'Université de Nice, qui va s'intituler « Cyberpunk's Not Dead », et qui va nous parler du cyberpunk comme laboratoire d'un futur entre technocapitalisme et post-humanité. Et lui, il est professeur en sciences politiques. Il l'a proposé, j'ai dit, évidemment, super idée, génial, je prends. Ou un autre qui est en cours d'écriture, qui vient de Laurent Vercueil, qui est un neurologue hospitalier à Grenoble, et puis qui est aussi chercheur en neurosciences à Grenoble. Et donc, là, il y a eu deux propositions qui sont venues. Il y en a d'autres qui sont venues aussi. Certaines ne collaient pas vraiment, mais on a eu quelques propositions. Pas autant. Alors, Olivier Girard, au Bélial, dans la partie roman, dans la partie fiction des éditions du Bélial, qui est de loin la plus grosse partie, évidemment, des éditions du Bélial, il reçoit, me dit-il, plusieurs centaines de manuscrits par an. Vous voyez qu'on n'en est pas à ce stade-là. Mais donc, moi, j'ai une idée assez précise de ce que je veux aussi, des thèmes que j'ai envie d'aborder et des thèmes que j'aimerais pouvoir aborder, mais que je ne sais pas aborder. Parce que je suis incompétent, tout simplement. Et donc, j'ai essayé de trouver l'auteur, l'autrice qui pourra le faire. Donc, j'ai déjà, pour vous donner une idée, le, les plans de production de les plans de production de du Parallax est déjà complet, si tous les auteurs tiennent leur parole et si tout se passe bien jusqu'en 2023. Vous voyez, on est déjà on a deux par an, c'est pas, vous voyez, on n'est pas sur des flux considérables, mais 2021 c'est plein, 2022 c'est plein et 2023 c'est plein. Donc là maintenant, si on me fait des propositions, c'est une idée, à moins que quelqu'un fasse défaut, ce qui peut toujours arriver, plein de circonstances peuvent amener à ce qu'il y ait un défaut. Les prochains plans, c'est pour 2024 maintenant. Eh bien, merci beaucoup Roland Lehoucq pour d'avoir répondu à nos questions. On en est où, nous, dans notre recherche de manuscrits ? Vaste question. Pour le moment, on a une autrice qui nous a donné son accord formel. Bon, il n'y a encore rien qui est signé. Et 6 avec qui c'est en discussion. 6 auteurs ou entités avec qui c'est en discussion. Et comment on les a trouvés, du coup, concrètement ? Bah déjà, après le podcast, c'est ce que disait Roland, en fait. Quand il disait, les gens ont entendu parler de la collection et ils se sont dit « Ah, c'est ça que je veux faire !» Bah en fait, après le podcast, on a eu quelques personnes qui sont revenues vers nous, 2, pour nous dire qu'ils avaient des projets, que ça correspondait peut-être à ce qu'on voulait faire. Donc, on échange un peu avec eux et on voit si effectivement ça correspond. Donc, merci à elles, déjà, de nous avoir contactés. Et puis, autrement, c'est par le réseau, notamment l'autrice avec qui on est plus ou moins sûr que ça va se faire. Je présume pas pour elle, en fait, c'est pour ça que je dis plus ou moins. Elle a l'air enthousiaste, mais on n'a rien de signé. C'est une camarade d'association. Comme pour Roland et Parallax, hein, dans une grande mesure, c'est des projets qu'on construit ensemble et qui ensuite donnent des formes éditoriales à la fin. Avec Fanny, on a pris part et on s'investit dans plusieurs projets de podcasts, projets culturels, qui aujourd'hui nous donnent tout un réseau de relations vers lesquelles on peut se tourner pour ce type de projet. Certains dont on sait qu'ils ont un goût pour l'écriture, d'autres, enfin beaucoup de jeunes chercheurs, qui ont déjà des projets qui n'attendent qu'à être édité, si ça intéresse les auteurs. Il y a aussi l'incubateur, qui est porté par la maison d'édition Argile, qui est un projet qui est mené entre autres par Simon, qu'on a interviewé... Que vous avez entendu lors du premier épisode ? Ouais, c'est ça. Par Simon Pinel et Xavier Delot. Ils ont un projet d'incubateur sur Rennes, et du coup, eux, ils sont plutôt enclins à nous donner des idées de bouquins, des contacts de gens qui pourraient eux-mêmes avoir des idées. Sur le réseau, c'est toujours quelque chose qui peut être un peu délicat à discuter, mais je pense que en fait ça consiste simplement à, enfin, s'engager dans un milieu qui permet non seulement de découvrir ce milieu-là, mais aussi de voir avec qui on peut travailler. Quand j'ai décidé de me diriger vers l'édition il y a 3 ans, j'ai fait beaucoup de stages et j'ai été bénévole dans quelques festivals de l'imaginaire. Bah inévitablement, cet investissement dans le milieu, il m'a permis de rencontrer des gens, et 3 ans plus tard, du coup, quand on rencontre des professionnels pour présenter le projet, il y en a une partie que j'ai rencontrée alors que j'étais bénévole et que je servais des bouteilles d'eau sur les tables rondes des Imaginales. Donc, faut pas hésiter, en fait, lorsqu'on rencontre des gens pour présenter son projet, à demander des manuscrits, et faut pas hésiter à aller rencontrer des gens et à leur demander s'ils seraient ok pour en discuter. Oui, parce que nous, il y a plusieurs professionnels comme ça qu'on a contactés, on leur a dit, bon, voilà notre ligne. Est-ce qu'il y a des choses qui rentrent pas du tout chez vous et qui pourraient nous correspondre ? Et jusqu'à maintenant, de mémoire, systématiquement, on nous a proposé des pistes. Alors, c'est jamais un nom, c'est pas écrit noir sur blanc, mais ce sont des nouvelles pistes sur lesquelles, nous, on peut aller se diriger et faire des recherches. Après, nous, on a la chance d'avoir une ligne éditoriale qui sort un peu de la norme, donc ça nous permet d'aller creuser de ce côté-là. Mais bon, des maisons d'édition qui font des essais sur l'imaginaire, il y en a d'autres. Et c'est quand même une chance, quoi, de pouvoir avoir cette bienveillance-là. Ouais, il y a quand même, en tout cas, nous, on a la chance, mais je pense que c'est le cas pour les maisons d'édition qui se lancent, d'être accueillis avec bienveillance par les acteurs qu'on contacte. Du coup, nous, on va revenir sur comment on trouve des manuscrits. Une autre manière, c'est que on demande à des gens qu'on aime bien, qu'on admire, dont on aime le travail, et avec qui on aimerait travailler. Donc, moi, je sais qu'il y a une autrice dont j'aimais beaucoup les écrits qu'on a contactés, qui n'a pas de projet en cours qui correspond à ce qu'on veut. Je garde l'espoir qu'un jour, peut-être, on pourra la publier, parce que voilà, j'adore ce qu'elle écrit. Mais c'est pas grave, au moins, on a essayé, et c'est une piste qu'on a voulu exploiter jusqu'au bout. C'est ça. En fait, notre source principale, pour le moment, c'est assez clairement le Laboratoire des Imaginaires, l'association de jeunes chercheurs qu'on coordonne avec Fanny, puisque c'est un vivier en fait de jeunes chercheurs qui ont des textes qui sont super intéressants, qui sont exactement dans notre ligne éditoriale. Il y a plein de personnes qui ont vraiment du talent et de bonnes idées, et on travaille déjà avec eux soit parce qu'ils sont membres de l'asso, soit parce que c'est ils passent par nos journées d'études, nos colloques et nos publications. Donc c'est une bonne base de laquelle partir. C'est ça. Et du coup, ça complète. Nous, ça nous permet aussi de compléter la partie universitaire des travaux qu'on souhaite publier, puisque on peut pas se dire une maison d'édition universitaire académique au sens strict. Hein, on n'a pas de comité de lecture scientifique pour avoir une relecture par les pairs, qui est le critère principal de l'édition scientifique. Mais ça n'empêche pas qu'on veuille faire un travail avec une exigence, une méthodologie scientifique. Et du coup, pour pouvoir trouver des travaux qui soient pertinents d'un point de vue universitaire, on cherche pas mal dans ce qui a été soutenu. Donc les thèses, les mémoires, parce que ces travaux ont eu une validation scientifique par cette soutenance, par la validation du diplôme qui est lié au travail universitaire. Donc par exemple, moi je prends du temps régulièrement, pas tous les jours, parce que là par contre on n'est pas sur la même rythmique de publication hein, que la fiction, hein. Heureusement, sinon je m'en sortirais pas. Mais voilà, je prends du temps sur des sites comme thèse.fr, Dumas qui recense les mémoires publiées, HAL qui est une archive ouverte qui publie des travaux scientifiques. Donc pour les deux dernières, il y a beaucoup moins de choses sur l'imaginaire, mais il y en a un petit peu. Et à travers des mots-clés et tout ça, on regarde ce qui a été publié dans les thématiques de l'imaginaire et dans des thématiques aussi qui nous tiennent à cœur. Parce que on sait ce qu'on veut publier, on sait les thématiques qu'on veut voir, donc on cherche ce qui pourrait compléter bien notre catalogue. Et dans quelques cas, là, on a deux personnes qui sont concernées. C'est amusant, c'est que c'est des travaux, moi, que j'avais repérés dans mes recherches. Et ce sont des personnes qu'on nous a conseillées, justement, par ce biais de... on demande aux gens, est-ce que tu connais pas des auteurs qui seraient intéressés? Donc là, voilà, on a eu deux personnes qu'on a repérées, si je puis dire, par ces deux canaux différents. Et là, le travail qu'on va avoir là sur la sélection via une recherche de travaux universitaires, bah, ça correspond un peu à la sélection que toi tu pouvais faire, Corentin, dans ta maison d'édition, enfin dans la maison où tu faisais ton stage. Et parce que moi, ce que je fais, c'est que voilà, je lis des bouts d'introduction, je regarde le plan, et puis je vais lire des passages qui sont un peu au milieu pour voir comment c'est écrit aussi à mi-chemin. Ça permet de voir plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que la plume de la personne est agréable et surtout accessible au plus grand nombre? Donc, est-ce qu'elle a une rédaction très universitaire ou pas? Est-ce que son travail nécessitera un gros remaniement ou un remaniement moindre? Voilà, c'est des critères sur lesquels on se base également, parce que tout travail universitaire sera remanié dans tous les cas, parce qu'une thèse ou un mémoire, ce n'est pas un livre. On ne peut pas mettre la même chose dans un ouvrage à destination d'un public plus large que la seule université, un travail universitaire. Et là, c'est pas parce que on est une maison d'édition qui ne peut pas se prévaloir des titres de maison d'édition universitaire. C'est simplement parce que... C'est le travail d'un éditeur, hein, tout c'est simplement. Ça. Voilà, il n'y a pas de thèse. En fait, à part des propositions pas très honnêtes de maisons d'édition qui proposent de publier tel quel des travaux universitaires, ce qu'il ne faut pas le faire, hein. Faire très attention à ça. On peut pas publier la même chose. En fait, quel que soit le domaine, il y a des maisons d'édition dans la fiction qui vont aussi proposer d'éditer votre contenu sans y apporter leur travail. C'est pas pertinent non plus. Non, mais c'est ça, parce que si on veut faire ce métier-là, c'est qu'on pense qu'on va apporter une plus-value, quand même. Non, voilà, faut quand même qu'on travaille. Mais toujours est-il que, voilà, il y a aussi un aspect, on va dire, purement de format, hein. Faire une thèse, ça peut monter à 700 pages. On va pas publier 700 pages, hein. Ça va commencer à être compliqué, quand même. Ce travail-là, à faire sur les textes, je pense qu'il est important à prendre en compte dans la recherche de manuscrits. Puisque un manuscrit, la recherche de manuscrit, elle n'est pas finie au moment où on a trouvé quelque chose qui nous intéresse et où on échange vaguement avec la personne qui l'a produit. Il faut aussi que cette personne elle soit d'accord pour travailler avec nous, elle soit d'accord pour qu'on mette nos mains dans son texte. Et c'est là que la recherche, en fait, elle va s'arrêter. C'est quand on aura signé un accord formel qui indique qu'on va entamer ce travail de réécriture tous les deux. Enfin, entre l'éditeur et l'auteur. C'est ça. Et du coup, ça nous permet, voilà, de faire un petit appel, hein, dans le podcast. C'est ça. C'est le moment, hein. Attends, justement, on avait une question là-dessus, puisque, bon, on vous a demandé de nous envoyer vos questions, et certains les ont envoyées. On a notamment une interrogation qui est venue, qui n'était pas forcément destinée aux questions des lecteurs, mais qui nous a semblé pertinente. C'était sur la question de la ligne éditoriale et de la vulgarisation. En fait, pour certains chercheurs, c'est un peu délicat d'entendre que son texte va être vulgarisé. On ne sait pas forcément à quel point il va se faire amputer pour pouvoir être compris au mieux. Nous, comme on le disait, on ne peut pas non plus prétendre être une maison d'édition scientifique. Du coup, on a essayé d'établir un espèce de d'entre-deux, en fait. De spectre, j'allais dire. Parce ouais. que là où on se situerait, c'est-à-dire que... Un nuancier. C'est ça. Ouais, on a un nuancier et on essaye de taper au maximum dans la grandeur de ce truc-là. C'est-à-dire que nos textes scientifiques, nous, on aura ce travail de réécriture qu'a évoqué Fanny pour les rendre compréhensibles au plus grand nombre, mais ça restera des textes scientifiques avec des notes de bas de page, avec des sources nombreuses qui permettent de situer dans son contexte le travail en question. Une exigence méthodologique, en fait. C'est exactement ça. Et de l'autre côté, on est aussi très intéressé par les textes d'amateurs éclairés qui seraient, qui d'une façon ou d'une autre auraient développé une forme d'érudition sur le sujet de l'imaginaire, qu'ils soient passionnés ou qu'ils soient par exemple des acteurs dans un autre domaine, comme des auteurs de fiction qui voudraient coucher une pensée théorique à l'écrit pour changer. Tout ça, ça nous intéresse aussi et on y apportera un travail de rigueur et de méthodologie scientifique. Là où on apportera un travail de vulgarisation sur les textes purement scientifiques. Donc c'est un équilibre qu'on va trouver entre les deux qui nous permet dans cette collection de diffuser des textes assez variés. Ce qui nous amène à cet appel à texte. Voilà. Si vous-même, vous avez écrit ou que vous avez à l'idée des textes donc de non-fiction qui nourrissent les réflexions et les savoirs sur les imaginaires, je l'ai fait de tête sans lire mes notes ce coup-ci, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer voilà un synopsis ou juste dire bah est-ce qu'on peut se rencontrer hein, parce que voilà ça peut passer par un petit rendez-vous rapide. Pour le moment, ça marche surtout comme ça. Hein. Ouais. Les gens nous contactent et puis on se rencontre en visio, on discute un peu, on voit pour travailler ensemble. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire des projets collectifs. C'est ça. Et puis voir comment on peut avancer et définir le cadre. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, il y a nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Il y a notre adresse mail inframonde-edition@gmail.com. C'est ça. Édition au pluriel. Et du coup, avec ça en tête, on va peut-être pouvoir passer à la seconde question, qui est plus spécifiquement centrée sur ton expérience, Fanny. Oui, c'est ça. En fait, on a eu un petit mail qui me demandait quelles étaient les formations que j'envisageais dans le cadre de ma reconversion. Puisque, comme je disais au premier épisode, moi, j'ai été plusieurs années bibliothécaire et je suis en cours de reconversion vers l'édition. Donc, bon, déjà, faut savoir que dans la formation des métiers des bibliothèques et de la documentation que j'ai suivi, il y avait des cours sur l'édition, en fait, et sur le marché du livre, sur la chaîne du livre. Donc, j'ai un petit bagage théorique qui remonte à quelques années, quand même. Et pour la formation à la reconversion, moi, ce que j'ai choisi, et c'est pas forcément quelque chose que je conseille, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai choisi parce que c'est plus en adéquation avec ma manière d'être, avec la ligne professionnelle long terme que j'envisage, c'est de me former en fait plus aux côtés de la gestion de la maison d'édition. On sait que c'est une forme ESS qu'on veut avoir administrativement, et moi je préfère me former sur cette partie-là pour avoir voilà approfondir des notions de comptabilité, de droit notamment voilà de gestion par rapport à l'apport théorique éditorial d'une formation de master édition comme toi t'as pu suivre. Et voilà. Et pour compenser, parce que du coup il va me manquer ce bagage éditorial, moi je le compense je lis beaucoup de travaux théoriques sur l'édition. Je commence à avoir une petite biblio là qui est bien fournie. Je suis pas du tout à jour dans mes lectures parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a le podcast en fait. Le fait de faire le podcast, ça nous permet de rencontrer des professionnels, de discuter de notre projet. Donc moi j'apprends énormément de choses par ce biais-là. Et j'ai quand même repéré des formations éditoriales pour plus tard, quand nous, notre structure pourra nous former, nous financer aussi des formations. Et parce que je pense que ces formations dans ma manière d'apprendre, sont plus pertinentes quand j'aurai déjà acquis un petit bagage. Après, c'était surtout des formations sur la relecture et la réécriture, de ce que je m'en souviens. C'est ça. Les formations courtes dans le domaine, c'est souvent sur cet axe-là. Sur la relecture, la réécriture, la correction, la typo. Et c'est des choses que j'aimerais vraiment pouvoir approfondir et surtout consolider. Mais il y a actuellement beaucoup de ressources en ligne, d'ouvrages sur la question qui répondent suffisamment à mon besoin actuel de formation sur le sujet. Et si jamais vous avez vraiment envie de vous investir plutôt dans une formation sur l'édition, faut pas non plus en avoir peur. Hein, le master édition dans lequel j'étais, il y avait plusieurs personnes en reconversion qui venaient de nombreux milieux différents, depuis l'industrie mécanique jusqu'à la coiffeuse, jusqu'en... Ouais, c'est ça, il y avait une institutrice et une ancienne journaliste. Donc il y a des gens qui viennent de partout qui se reconvertissent dans l'édition, faut pas s'inquiéter là-dessus. Et ben voilà, je pense qu'on a... On a fait le tour. On a fait le tour. Bon bah merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas donc à nous faire vos retours, à nous poser des questions et on vous dit à bientôt. À très bientôt.